saluons chacun de vous, nous Jésus Christ. Lève-nous pour la lecture de la parole. Nous prenons les écritures d'hier. Tuko na beba ile maandiko yetu ya jana. Nous prenons Isaïe 5. Tuko na beba Isaïe sura 25. Dans son verset 1. Mumustara ya kwanza. Et Esaïe 46. Na Isaïe 46. Verset 9 à 11. Mustara 6 à 11. Y a-t-il un frère qui a fait les études techniques? Eti kuku nduku mwa jifunza masomo ya bafundi. Les écoles techniques, ou celui qui a déjà travaillé dans un atelier. Kulasha kutumikaka kumuchapu moya atelier. Prions. Tuombe. Père Céleste. Baba aliyechu mbinguni. Nous te disons merci. Tunakuambia asante. Parce que depuis le matin, tu as permis que les portes de l'église s'ouvrent. Il y a des frères qui sont en difficulté. Qui avaient aussi la soif d'entendre ta parole. Mais comme ils vivent dans les zones troublées, où il y a la guerre partout, ils n'ont pas pu s'agenouiller pour te dire un mot. Ils n'ont même pas lu la Bible pour s'exhorter, Seigneur. Mais pour nous, c'est une grâce. Nous te sommes infiniment pour ce que tu fais dans la simplicité. Nous te prions, Seigneur, de nous assister. Amen. Nous vivons les derniers moments qui précède ton retour, déverse en nous et chez nous ton esprit et l'esprit de la révélation pour qu'il nous conduise en toutes choses. Nous voulons t'expérimenter et avoir la connaissance des choses vraies. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et bénis ta parole. Qu'elle nous soit révélée dans nos cœurs. Pour la gloire de ton nom. Les frères et les sœurs qui ont fait des sacrifices pour venir, Seigneur, et t'adresser un mot de prière. N'oublie pas d'exaucer leurs prières. Il y a des enfants qui ont quitté l'école, même sans manger, ils sont venus, Seigneur, à la prière. Viens-toi d'eux. Bénis ton serviteur que tu as utilisé depuis le matin. Sois avec nous pendant ce culte. Nous avons besoin de ton esprit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Esaïe 25, Isaïe 25, verset 1, Mustara Kwanza. Ô Éternel, ô Wamilele, tu es mon Dieu, uko Mungu wangu, je t'exalterai, mita kusifu, je célébrerai ton nom, mita shangilia jina lako, car tu as fait des choses merveilleuses. Sababu ulifanya vitu vya thamani. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Esaïe 46, Isaïe 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que l'esprit de chacun de vous soit réveillé pour être attentif à ce qui est enseigné. Comme nous l'avons dit depuis hier, pour ceux qui concernent le plan du salut, l'élection et la prédestination, nous avons dit qu'il y a 15 choses, 15 éléments, 15 points qu'il ne faut jamais confondre. Lorsque nous parlons de l'élection, lorsque nous parlons du plan du salut, il y a 5 choses qu'il ne faut jamais confondre. Et ces choses, nous vous les avons données depuis hier. C'est la pensée de Dieu, la prescience de Dieu, la volonté de Dieu, le conseil de sa volonté, l'élection de Dieu, le dessein d'élection de Dieu, la souveraineté de Dieu, la prédestination, la destination, la résolution de sa volonté, l'exécution de sa volonté, le mystère de sa volonté, la révélation de sa connaissance. De la connaissance du mystère de sa volonté, l'accomplissement de sa volonté et le libre arbitre de l'homme. Et nous avons dit hier que ces 15 points, c'est ce que la Bible appelle le mystère de la volonté de Dieu. Siri ya mapenzi ya Mungu. Et dans le mystère de la volonté de Dieu, na ndani ya siri ya mapenzi ya Mungu, Dieu a conçu ces choses. Mungu alitunga hivi vitu. Il a conçu un seul plan Aritunga pour mapu, toute l'humanité. Maputu moya juu ya ulimwengu yote mzima. Mais ce plan est exécuté en deux phases. Lakini mapu beko ne timiza mu mavipande biwili. Un, il y a le salut pour Israël. Kwanza kukuokovu juu ya Israeli. Que Dieu sauve comme une nation. Il est Mungu kuna ukoo sawa taifa. Et le plan d'Israël ou le salut d'Israël na ukoo wa Israeli se réalise pendant les 70 semaines de Daniel. Et kuna timilika kadiri ya majuma makumi saba ya Daniel. Qui se trouve dans Daniel au chapitre 9. Il est unapatikanika mu Daniel sura ya 9. Dans son verset 24. Mu mstari ya 24. Vant quand on donne des écritures, si on ne lit pas du haut de cette chaise cette écriture, il faut les lire à la maison. On commencer au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et sur ta ville sainte, Jérusalem, sur le peuple de Daniel, et sur la ville sainte de Daniel qui est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint de saints. Tandis que les salut des nations, comme l'avons montré hier, Dieu les réalise pendant les sept tâches de l'Église. Et c'est dans Apocalypse 1, 2, 3 que les sept tâches de l'Église sont exposées. Et nous vous avons dit que tous ces 15 éléments étaient des secrets dans le cœur de Dieu. Personne ne pouvait les connaître. C'était des mystères qui étaient connus de Dieu seul. Lui seul les avait conçus dans l'éternité. Pendant qu'il les concevait, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun ange. Il n'y avait aucun homme. Les étoiles n'existaient pas. Le ciel et la terre n'existaient pas. Il était seul. Et il a conçu toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Je moi très bien, parce que je prends un angle pour vous faire comprendre la conception des choses de Dieu dans les choses, la conception de Dieu dans les choses, dans le plan du salut. Comme des humains, nous avons des projets. Sawa binadamu na shetu kuna mamapu. En tant qu'homme, sawa batu, nous pouvons former des projets. Tunaweza na shetu kutunga mamapu. Si un homme veut faire le commerce, kama muntu anapenda afanye uchumi, il veut faire des champs. Il veut construire une maison. Il veut faire une ferme. Anapenda afanye ku ferme moya. Ou il veut créer une entreprise. Au anapenda tunge kampuni moya hivi. Il doit premièrement faire un projet de tout cela. Anapasha kwanza pate kufanya mapu ya bile biote atafanya. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire maintenant je vais construire un bâtiment. Tu ne peux pas seulement te réveiller à midi et dire cette fois-ci Je veux faire une ferme. Mitafanya ferme. Tu te réveilles le matin, tu dis. Naramuka asubuhi unasema. Maintenant je commence le commerce. Hapa mimi naanza sasa biashara. Ça ne se fait jamais de cette manière parmi les humains. Haifanyikaki mule namuna katikati ya bantu. Lorsque tu comptes faire quelque chose, wakati unataka kufanya kitu kimoya, vous voulez réaliser une œuvre, unapenda utimize kwa kazi moja fulani, vous voulez créer une société, une entreprise, unapenda utunge kwa kampuni moja, vous devez faire des champs, vous voulez faire des champs, unapenda ulime mashamba. Vous devez premièrement vous asseoir. Unapashwa kwanza unaikala. Et faire un projet de ce que tu veux réaliser. Na kutengeneza mapu moja ya bile wewe utafanya. Tu feras un projet. Utatengeneza mapu. Pour matérialiser les pensées qui se sont levées en vous. Dieu kufanya le mawazo la mukama ndani yako ipate kuonekana. Et cette entreprise que vous voulez faire, vous voulez créer, ile unapenda utunge, tu veux la voir prospérer. Unapenda uione iendelee kumbele. Atteindre l'objectif que vous avez, que vous vous êtes assigné. Il est campunifié qui fukuzie qui est au milieu du pangia. Et y recevoir des bénéfices. Na upate kupokea mapato. Voilà pourquoi. Njo kwa mana. Il est avantageux que l'homme s'arrête premièrement. Ni ya muzuri kwanza muntu ashimame. Qu'il réfléchisse, qu'il examine le projet qu'il veut faire, qu'il fasse un plan de ce qu'il veut réaliser, qu'il pèse les pour et les contre, qu'il aidera à réaliser ce qu'il a conçu dans son cœur, qu'il examine les moyens à sa disposition pour accomplir ses pensées, matérialiser ses pensées, réaliser son projet. C'est vrai. Et voir comment na kuona, na muna kani, rendre son projet réel, une réalité. Ile mapu yake ipate kuwa kitu kinaonekana na macho. C'est pourquoi ce que Jésus dit ici est d'une grande importance. Ndio kwa maana kile Yesu anasema hapa kitu cha kamafa kabisa. Dans Luc au chapitre 14. Luka sura 14. Luc au chapitre 14, soyez très attentifs. Luka sura 14 mpate kutega sikio kabisa. Verset 28 à 30. Car sababu, lequel de vous, nani ule katikati yenu, s'il veut bâtir une tour, kama anapenda kujenga munara, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense, ashikalake kwanza njoo kufanya hesabu ya ile inapasha kuenda kwa ile mara, et voir si il a de quoi la terminer, na kuona kama iko na ile ya kueneana njoo apate kumaliza nayo, de peur qu'après avoir posé les fondements, kwa oga kisha kuweka misingi, il ne puisse l'achever, akose kufika mkuimaliza. Est-ce que tous ceux qui le verront, na bale bote watamuona, ne se mettent à les railler, mashanze kumuchekele, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Cette écriture interpelle toute personne qui veut réaliser son projet. Muntu wote anapenda kutimiza mapu yake. réalité dans l'esprit de l'homme, il y a des gens ce qu'il veut faire. Il y a des gens ce qu'il veut concrétiser. Mais il doit chercher des moyens et des voies et des moyens pour que son projet et ses pensées de son cœur soit une réalité. Soit visible devant lui. Et soit visible devant tout le monde. C'est vrai. Et il y a des éléments qui doivent entrer en danse, en œuvre, pour concrétiser les projets. Dieu a optimisé les maps. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Ici chez nous au Congo, huku kwetu ku Congo, même quand vous réalisez, vous regardez comment notre pays est dirigé, atamu kiangalia vile nchi yetu inaongoza. Nos entreprises sont gérées. Ma campagne est toujours néongoza. Et comment les gens font des projets? Na ville bat toujours na tunga mama puyabo. Vous remarquerez que la plupart des gens sont des profanes. Mungu na angaria tu butare ona tu seba tu amingi ni bantu shipo kujua. Ils ne sont pas sages. Abana na ikima. Ils ne sont pas intelligents. Na abana na kili. Les gens appliquent la foi même là où il ne faut pas appliquer la foi. Ils n'ont pas de foi, mais ils veulent montrer comme s'ils avaient la foi. Ils veulent agir comme s'ils avaient la foi. C'est ça qui fait que beaucoup de projets dans notre pays ne réussissent pas et n'aboutissent pas. Parce qu'il n'y a pas de gens sages qui s'arrêtent pour examiner, pour étudier la matérialisation des projets conçus. Maintenant, pour aider l'Église, ça, Dieu a conseillé à Canisse à comprendre ces 15 points que nous vous avons donnés. Nous allons prendre l'exemple d'une société telle qu'un atelier de fabrication à la Jekamine ou dans d'autres sociétés. Comme une société de fabrication de véhicules, de motos, ainsi de suite. Même les sociétés ou les entreprises qui fabriquent les biscuits, les tôles, les ciments, qui produisent du lait, toutes les sociétés de production. Pour qu'une société soit viable, pour que ce qu'une société arrive à se matérialiser et à prospérer, chaque société a ce qu'on appelle avant-projet. Les gens là qui forment cette société. Kila kampuni iko na ile wanaitaka sema mbele ya mapu, mbele ya kutunga mapu. J'avais souhaité qu'il y ait un technicien comme Frembaz, parce que celui qui m'avait interprété autrefois, là j'ai suivi, il m'avait très bien interprété. Faisons confiance au frère. Parce que ici je veux parler du technique ni mambo ya bafundi pour que vous compreniez ce qui est arrivé avec Dieu. Parce que tout ce que les hommes font est l'imitation de ce que Dieu a fait. Les hommes essaient de comprendre comment la nature et ce que Dieu a conçu dans la nature et ils essaient de faire quelque chose qui ressemble à ce que Dieu a fait. Maintenant, nous prenons cet exemple technique pour que chacun de vous comprenne ces 15 points que nous avons énumérés. Comment Dieu a-t-il conçu le plan de chaque chose jusqu'au plan de la rédemption? Pour une société, comme je le disais, une entreprise. Premièrement, les hommes qui, ou l'homme qui veut former sa société, il y a ce qu'on appelle l'avant-projet. L'avant-projet, ou dans l'avant-projet, il y a la conception de ce que veut fabriquer une entreprise. La préconception. Dans cet avant-projet, on fait des recherches. On fait des enquêtes. On fait des renseignements. On se forme des idées d'avance de ce qu'on veut faire jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est que l'imaginaire. Après l'avant-projet, kisha ile natanguria mapu, dans lequel on conçoit ce qu'on veut faire, mule bagaye ona tunga bile banapasha kufanya. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le projet. Kia pili banaita sasa ni mapu nyewe. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet? Nini kule iku ndani ya mapu? On veut maintenant concrétiser l'avant-projet. Ces pensées qui s'étaient levées en vous d'avance pour fabriquer quelque chose, pour créer une société ou une activité, vous vous êtes formé une imagination que vous voulez que ça soit une réalité. Le projet est Mapu, ou dans le projet Mapu mule, on veut concrétiser banapenda konokanisha l'avant-projet, ce qui était imaginaire. C'est dans le projet qu'il y a l'étude proprement dite. Et où on rencontre la conception définitive de ce qu'on veut réaliser. Comme notre frère Kali ingénieur. Vile ndugu yetu ingénieur Kali. Quand il veut vous construire une maison, wakati anapenda kuingia nyumba, il vous fait ce qu'on appelle la maquette. Eh, kuna kufanishele wanataka sema maquette. Quand tu demandes à frère Kali de vous construire une maison, wakati unamwambia frère Kali kuingia nyumba, atafanya maombi yake. Ensuite, kisha, il vient avec une maquette. Atakuya na maquette. Et sur cette maquette, na yule ile maquette, il y a la représentation exacte de votre maison, les dimensions, maburefu, disposition des chambres, manamna mashamu, salon, toilette, véranda, garage, espace où les visiteurs peuvent garer les véhicules, magari, là où il faut placer et les arbres fruitiers. C'est dans le projet, il vous fait voir la maquette. Mais cette maquette-là n'est pas encore une réalité. Des fois, tu n'as même pas d'argent. Tu n'as rien sur vous. Mais c'est le désir qui s'est élevé en vous. De construire une maison. Et il vous présente, comme cette église-ci a une maquette. Quand vous voyez la maquette de l'église, avec ce que nous avons ici, vous avez exactement la vision de ce que cette maison sera la fin. Maintenant, quand le projet est fait, la maquette est conçue. Maquette vanayotengeneza mzuri. On passe maintenant à l'étape capitale. Banapita sasa kukipande kya mafaka kabisa. Dans les entreprises, mu makampuni, il y a tout un bureau. Muko ile banaita comme à la Jekamine. Sawa Jekamine. On ne peut rien faire. Aba wezi kufanya kitu. Sans ce bureau-là. Bila il est office. C'est le bureau qu'on appelle. Il est office mais qu'on aita. Le bureau d'études. Office ya majifunzo. Le bureau d'études. Il est office ya majifunzo. Est un service technique. Ni kazi moya ya bafundi. Chargé de concevoir. Il est kuna kazi ya kutunga. Et d'étudier. Na ya kujifunza. Les produits, il est mabitu, c'est-à-dire la matière. Il s'est mabitu vita saidia. La matière. Il est mabitu vita saidia. Le produit, mabitu vita saidia. Les pièces, ma vyombo. Les mécanismes qu'on va utiliser. Manam le batatumia. Pour concrétiser le projet. Optimiser les maps. C'est vrai. Nibiakwe. Dans les bureaux d'études, mule ndani ya ofisi ya majifunzo, on est à la recherche de kunatafuta amo de rendre le projet réel. Juu ile mapu vertengeneze pate kufanyika kweli kweli. Si vous voulez construire une maison, kama unapenda kujenga nyumba, il faut chercher maintenant du sable. Il a fallu utafute mchanga. Les moellons. Utafute majiwe. Les ciments. Utafute ciment. Voyez les ferrons. Utafute mabiuma. Les graviers. Utafute majiwe yako ya kidogo. Vous devez chercher l'argent pour payer les maçons. Unapaswa kutafuta fedha kulipa baba. Vous devez chercher l'argent pour payer la nourriture. Unapaswa kutafuta fedha za kutafuta chakula ya wale watatumika. Toutes ces choses là. Vile vitu vyote. Vous cherchez le matériel qui va vous permettre à concrétiser votre plan. C'est dans un bureau d'études. Mais dans la société comme Jekamine, nous dans le bureau d'études, il y a trois services très importants. Muko makazi tatu ya mafa kabisa. Il y a les bureaux de dessin, les bureaux de dessin. Muko il est office ya kufatula. Les bureaux de dessin. Muko office ya kufatula. Le bureau des saints est une section dans laquelle il y a des techniciens. Leur travail, c'est faire des dessins, des plans, des croquis, qu'on appelle dans les termes techniques, des dessins parlants. Des dessins parlants. Ou des croquis parlants. Oui, mon frère. Les dessins parlants. C'est-à-dire quoi? Ce sont des images. Ni ma picture. Qui exprime ce qu'on doit faire. Il est qu'on a une chaque qui pas chaque fois. Quand vous voyez ce dessin, ce croquis, ce trace, même si tu es un profane, tu commences à te représenter ce qu'on doit faire. C'est l'ombre de ce qu'on doit faire sous forme de plans, d'images, de croquis. C'est pourquoi on les appelle les dessins parlants. C'est vrai, frère. Ces dessins parlants ont pour objectif d'aider les techniciens à interpréter la pensée du concepteur. Ces plans et ces dessins parlants et ces croquis parlants sont là, c'est pour orienter les techniciens dans leur travail et dans leur exécution du travail. Et en dehors du bureau des saints, il y a le bureau méthode centrale. Méthode centrale. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau-là? Ce plan qui a été conçu, qui est entré maintenant dans les bureaux d'études, doit être analysé. Tous les plans doivent être analysés. Le bureau méthode centrale a pour objectif de corriger, d'améliorer, d'éliminer les défauts de tout ce plan qui avait été conçu dans le bureau d'études. Jusque là, il n'y a pas de réalisation. On doit analyser ces plans. On doit corriger ces plans. On doit les améliorer. C'est vrai. Et on doit les orienter selon les possibilités du concepteur. C'est le bureau méthode centrale qui voit est-ce que c'est qu'on a conçu et le plan qui a été étudié, toutes ces choses qui ont été données, est-ce que avons-nous les moyens pour concrétiser cela? Et c'est ce bureau qui doit maintenant orienter le travail. C'est dans ce bureau où on prépare le travail de la fabrication. C'est dans ce bureau où on cherche de meilleures solutions qui ne doivent pas faire rater le projet. C'est dans ce bureau, on essaie d'éliminer tous les problèmes qui peuvent entraver la marche du projet. Et même dans ces bureaux, on va examiner même la qualité de ce qu'on veut faire, même le temps d'exécution, même si ce sont des produits à vendre, comme des biscuits, comme des voitures. Voici c'est une société de fabrication. Ils vont même, c'est dans ces bureaux où on étudie même les prix de vente. Donc, le bureau méthode centrale, office, il y a l'analyse du travail, on va déterminer les temps d'exécution. C'est très important. Quand l'ingénieur se pointe, Il doit donner une cage, une maison. Quand on a manifesté le matériel, si vous me donnez tous les matériels, je vais le construire en 6 mois. Et quand on a manifesté le matériel, il faut respecter le temps et exécution. Il faut qu'il respecte le temps et optimise les cases. Dans ma société, c'est ça, je camine. Même dans les sociétés comme je camine, on te donne un travail. Vous devez, n'a pas choix, calculer le temps d'exécution. On te dit que tu dois construire une usine d'acide. Mais toi tu dis, je vais construire cette usine dans 4 mois. Vous devez respecter. On n'a pas chaque chimie. Parce que comme 4 mois il n'a plus ça. Parce que si les 4 mois passé, on a posé en francs. Donc tu vas perdre ton argent. La société va perdre. Quand dans des pays sérieux, on va te coller d'amende. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien, mes soeurs, il faut déterminer le temps d'exécution. C'est dans ce bureau où on utilise, on va étudier, on détermine où il y a l'étude d'outillage. Il y a des matériels, que je vais utiliser. C'est vrai, frère. Et vous allez étudier. L'étude d'installation des bâtiments. Parce qu'il peut y avoir plusieurs sections. La construction des bâtiments. Et même comment les techniciens vont coopérer. Et troisièmement, dans les bureaux d'études, il y a les bureaux de préparation qui reçoit les plans bien orientés et qui voit où il peut, où ces techniciens du bureau de préparation peuvent intervenir dans la commande pour qu'il y ait succès. Et ici dans le bureau de préparation, c'est la préparation de quoi? Maintenant, il doit préparer la matière de fabrication, les outils d'utilisation, la viabilité suivant la capacité, la viabilité, cette possibilité qu'a l'atelier, la viabilité de l'atelier. Suivant ses capacités. Frère, Dad. Dans une société de fabrication ou dans une entreprise sérieuse, les bureaux d'études est très important pour la survie d'une société. pour la survie d'un projet. Je les mapu ipate kutimilika mzuri. Dans les termes techniques, on appelle les bureaux d'études, comme un sanctuaire, comme les berceaux de la technologie, la maternité de la technologie. C'est vrai, frère. Et dans une société, Kampuni, le bureau d'études a un budget conséquent. Il y a mingi. Parce que c'est là Sababu ni pale, où il y a le centre, c'est le sanctuaire, ni mule muku ekalu, c'est le berceau de la technique, de la technologie. Yo fazi ya kuzaria ya bitu yetu watafanya. Et on doit doter ces bureaux de tout le nécessaire. Les techniciens qui travaillent, tout ce qu'ils demandent, on doit les mettre à leur disposition. Quand le bureau d'études a fait son travail, maintenant cela doit passer par les bureaux de commande. La commande sortie du bureau de préparation, ça passe directement dans les bureaux de commande. Ici, dans les bureaux de commande, quel est son travail? C'est préparer les documents du travail selon la définition du plan ou du projet conçu. Ici, on prépare les documents avec exactitude. Et dans les bureaux de commande, il y a maintenant des ateliers. Ce sont les ateliers qui sont créés pour l'exécution de tout ce qui a été conçu. Avec des techniciens capables d'exécuter, capables d'interpréter les plans, les croquis, tout ce qui a été conçu, même capables de redresser ce qui a été conçu. Et après ces ateliers, il y a les bureaux de planning qui se trouvent dans les bureaux de commande. Exact, tu as bien traduit. Voyez, là il y a l'ordre de fabrication. Si par exemple c'est une société qui fabrique les motos, la société se dit, on va commencer par où? Qu'est-ce qui est le plus important? On commence par fabriquer les pneus. Ou on fabrique d'abord les moteurs. Ou les jantes ou les rayons. On voit maintenant. On met de l'ordre. Par où ils doivent commencer? Selon l'ordre d'importance, suivant les projets et les plans qu'ils ont reçus, et suivant la matière ou les moyens qui se trouvent à leur disposition. C'est vrai, frère. Quand la commande sort du planning, ça passe directement dans la section de fabrication. Et il y a à peu près 4 sections, en panda, atelier central de panda de la Jekamine. Là, il y a 4 sections. Il y a la section alimentation. Il y a la section traçage. Il y a la section tournage. Il y a la section rabotage. On est dans une phase d'exécution, de fabrication, kutunga, pour concrétiser kutimiza, tout ce qui a été fait. Et dans ce bureau commande, office il y a un autre petit bureau qu'on appelle le bureau d'expédition office qui reçoit les pièces ou des commandes déjà finies. Pour les expédier aux clients. Et il y a 80 le planning central. Le planning central, c'est la fin. C'est là maintenant, on distribue complètement ce qui a été conçu. Ce qu'on a fabriqué. Maintenant, dans les bureaux d'études, comme c'est un bureau très très important pour la survie de la société, les gens qui travaillent dans les bureaux d'études, souvent sont des gens qui ont des dons. Ils ont des talents. C'est-à-dire, des talents sont des dons naturels. Les gens qui travaillent ou qui doivent travailler dans un bureau d'études, ce sont des gens bien triés. Dans les bureaux d'études, on n'y met pas n'importe qui. Ce sont des hommes qui ont des talents. Mais si les gens n'ont pas de talent, ils doivent avoir des capacités, des compréhensions, d'exécution, des plans. Ils doivent acquérir ou développer des qualités qui le permettent d'interpréter le plan. Dans les bureaux d'études, il y a des gens très intelligents qui doivent y travailler. Des gens de bon sens, ayant un esprit souple, un esprit de curiosité. Ils doivent avoir un esprit d'imagination, avec des facultés d'observation. C'est un bureau ni officile, où il doit y avoir beaucoup de raisonneurs, des gens qui raisonnent, qui peuvent se concentrer pour trouver solution jibu, au plan ou au travail qu'on leur a donné. Ces gens doivent avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'ils critiquent. Comment on dirait ça? Vous savez, critiquer signifie quoi? Critiquer. C'est-à-dire on voit les pour et les contre. On critique ça. Parce qu'il ne faut pas que motoka inatoka, un véhicule est sorti, et qu'on a chine de comprendre Kirim. Et qui n'arrive pas à monter un colis. Les clients vont prendre fuite. Aïfai, il ne faudrait pas que biscuit, on fait sortir les biscuits. Dit qu'on a boutchoum. Et ces biscuits sont amenés. Ah, banatosa biscuit, rentre qu'on est bicouri. On fait sortir les biscuits. Dit qu'on a l'état diarrhée. Et les biscuits amènent la diarrhée. Moule mon bureau d'études. Dans ce bureau d'études, Mukobantu, il y a des gens, Kajiabo, leur travail, Bizuri, c'est de voir les pour et les contre de ce produit qu'on doit fabriquer. Vous voyez, Naona, ils étudient ce plan, ils les critiquent. Et vous comprendrez cela lorsque nous allons prendre les Écritures. Parce qu'il ne faut pas qu'on critique ce que tu fais. Vous commencez d'abord par vous critiquer vous-même. Vous n'êtes pas être critiqué par l'extérieur. C'est ce que la société fait dans les bureaux d'études. Mais pourquoi les techniciens qui travaillent dans les bureaux d'études sont des gens très patients, très calmes. Ils sont persévérants. Lorsqu'il commence une chose, tu verras que il est fâché contre les gens. S'il n'a pas encore trouvé la solution, tu verras que même ses nerfs sont tendus. Il ne veut pas que les gens Solution. Il faut qu'il trouve une solution. Il réfléchit. Il essaye. Voilà les gens qui doivent travailler dans les bureaux d'études. Pas des gens impatients. Ils sont ingénieux. Ils sont disciplinés. Ils sont attentifs à tout ce qu'ils font. Ils font des essais. Ils sont méthodiques. Ils sont précis. Ils sont précis dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ne veulent pas rater ce qu'ils font. Ils respectent le temps. Ils étudient toutes ces choses-là. Ce sont des gens d'une imagination extraordinaire. C'est vrai, frère, à cause de ce talent. Des fois, quand toi tu regardes, tu ne comprends pas. Mais lui, quand il voit, il voit même des erreurs pour les corriger. C'est pourquoi c'est très important. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ce sont des gens consciencieux. Voilà ce qu'un homme fait pour exécuter son plan. Si l'homme doit faire toutes ces choses ici, pour que son plan réussisse, qu'en est-il de Dieu? C'est pourquoi, pour retourner à nos 15 points, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est l'architecte, le projecteur, celui qui conçoit, il conçoit ses projets. Le projet de toutes choses a été conçu par Dieu lui-même. C'est dans la pensée de Dieu qu'Elohim avait conçu les plans de toutes choses. Il n'y a rien qui existe. Qui n'a jamais existé et qui n'a jamais été conçu en dehors de la pensée de Dieu. Frère, Nduku, ma soeur, Dada yangu, pour que toi tu existes aujourd'hui, il fallait que Dieu, Elohim, avant qu'il ne soit Dieu, il fallait qu'Elohim, il faille Elohim, dans l'éternité, mule mumilele, quand il était seul, peke yake, dans sa pensée, mule mumawazo yake mule, qu'il était conçu apate kukutungia mule, et qu'il était vu na kuone mule, vivre ici. Kuishi hapa. Dieu en tant que projecteur, architecte, le concepteur de toutes choses, c'est dans sa pensée qu'il a conçu. Et, comment je vais dire? Il vit toutes ces choses que vous voyez. Peuple, l'air, Jua, le soleil, et Nyota, les étoiles, Milima, les montagnes, Mabonde, les vallées, Muchanga yenyewe, le sable, Michi, les arbres, Banyama, les animaux, Mai, l'eau, Samaki, les poissons, Bamalaïka, les anges, Bakeribu, les chérubins, Bantu benyewe, les hommes eux-mêmes, tout ce que tu peux citer, yote unaweza kutaja, tout ce que tu peux voir, yote unaweza kuona, tout ce que tu connais, yote unajua, ne peut jamais exister, haikuweza kuishi, si cela n'a pas été conçu, kama haikutungiwa, la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. À ta boule fuyako. Même ta taille. Quoi bien mes frères? Non, on va prendre un doux. Boule fuyako. Ta taille. Boufoubi yako. Ta petite taille. Boule de yako. Ta masse. Boufonde yako. Rangi yako. Ta couleur. Chez votre comment tu es aussi. Nous tous nous sommes des noirs. Mais personne. La kinya kuna muntu. N'a la peau semblable à son prochain. Muntu. Chacun de nous. Yako, ni muntu mwe ushi. C'est un noir. Mais pas la mwe ushi boaki. La kinya ila sa couleur. Et toutes ces choses-là, c'est Dieu en tant qu'Elohim, dans sa pensée, qui les avait conçues. C'est lui le concepteur. Et maintenant, dans les projets, comme les hommes, la pensée de Dieu, c'est ce que nous appelons l'avant-projet de Dieu. Ce que nous vous avons montré, il est trop mionyesha, qui se passe dans les sociétés, il est dans ma company, qu'on a appelé l'avant-projet, il est barita sema ya kutanguria mapu, pour Dieu, kwa Mungu, l'avant-projet, il est natanguria mapu, c'est sa pensée, ni mawazo ya, dans laquelle, mule, il conçut toutes choses qui devaient exister, l'invisible et invisible, tout a été conçu par Elohim dans sa propre pensée. Na Elohim, mawazo yake mwenyewe. Et rien n'existera si cela n'a jamais été conçu dans la pensée de Dieu avant l'éternité. C'est dans la pensée de Dieu qu'Elohim avait les tribus, avait tous les tribus, tous les attributs qu'il voulait manifester. C'est là. Nimule. Lui le souverain. Ye mwenye mamlaka. Et le maître de toutes choses. Na bwana wa vitu vyote. Le seul qui connaissait. Ye peke alikuwa mwenye kujua. Et qui gardait dans son cœur. Na kuna chunga ndani ya moyo wake. Toutes ces choses. Il avait conçu dans sa pensée. Alikwisha kutunga mu mawazo yake. C'était l'unique qui connaissait ça. Ni ye mwenyewe tu ndio kwisha kubijua. Dans l'éternité, Mule mumilele, quand il était Elohim, wakati alikuwa ingariki Elohim, aucun ange, hakuna ta malaika moya, aucun saint homme, hakuna ta ne pouvait moya, connaître angeweza kujua ce qu'Elohim ile Elohim avait dans sa pensée, alikuwa nacho ndani ya mawazo yake, pour qu'il lui apporte conseil, ndio apate kungua kumshauria. Dans tout ce que Dieu a fait, il n'y a pas eu quelqu'un à côté pour lui donner conseil, pour lui redresser. Non. Mais néanmoins, il avait un conseiller, nous allons le voir. Il a le conseil de sa volonté. Vous verrez qui a conseillé la volonté de Dieu dans tout ce qu'il voulait faire. Oui, bien aimé frère. Mais il n'y avait personne. Parce que comment il pouvait le conseiller pendant qu'il n'existait pas. Il n'y avait aucun kérubien pour le conseiller. Akukwe mkerubi hata mmoja kumshauria. Comment il pouvait? Il était seul. Alikuwa yeye peke yake. Il n'y avait personne pour le faire. Akukwe mtu akufanya kumpatia shauri. C'est ainsi qu'Elohim. Jo kwa maana Elohim. Dans l'éternité. Mule mumilele. Même le temps. Atanye wakati. Le temps et l'espace. Ma wakati na ma. C'est une conception. Ni mukuchi. C'est une conception. Ni bila ya ritunga. D'Elohim. Elohim yeye mwenyewe. C'est vrai frère. Elohim avait pris Elohim tout son temps pour créer chaque chose et placer chaque chose à sa place. Frère, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il avait conçu, il a donné à chaque création, il lui a imposé sa propre loi. Frère, Dieu est terrible. Même le soleil que vous voyez a une loi. L'oiseau pour voler respecte la loi, a une loi en lui. Les poissons pour nager ont des lois. Toi-même pour vivre, il y a des lois. Même la terre sur laquelle vous marchez là a une loi. Frère, les étoiles ont des lois qui doivent les respecter. Frère, si la lune s'éloignait seulement de la terre d'un kilomètre, je vous dis il y aura des catastrophes sur la terre. Si le soleil bougeait seulement d'un mètre, frère, on va brûler. Tout le monde va brûler. Dieu, Mungu, dans sa sagesse, yaki, il a tout réglé. Même les mers suivent la loi de Dieu. Et cette loi-là est conçue dans la pensée de Dieu dans Mungu, l'éternité. Mungu, quand il était Elohim. Même la manière dont vous respirez, Elohim conçut le plan de toutes choses quand il était wakati alikuwa dans l'éternité seule. Vous pouvez voir munaweza kuona un arbre muti sur la même plante. Pa muti mwamua pale. Il y a des feuilles vertes. Verte. Il y a des feuilles rouges. Il y a des feuilles jaunes. Jaune. Et à côté des jaunes là, vous y trouvez des couleurs bleues. Bleu. Frère, Banduk. Aïla Seme, il est marangé, il est jeté, il est nié. Les sont venus d'elles-mêmes. C'est Dieu depuis sa pensée. Dans l'éternité, il avait conçu de cette manière que cet arbre-là produira de telles feuilles. Il a des dessins sur lui. Aïe, non, ça m'a qui en a produit ma dessin. Ce n'est pas le poisson qui a produit ses dessins. Aïe, non, ça m'a produit ma dessin. Ou l'animal qui a produit ses dessins. C'est Elohim. Depuis sa pensée. Depuis l'éternité dans sa pensée. Quand il était seul, il a conçu que ce poisson et cet animal-là sera ainsi. Atakwa vil. C'est pourquoi il est Dieu. Je crois mané comme un. C'est vrai, frère. Il y a quoi, Rindu? C'est pourquoi dans la Bible, il est dit ceci. Prenons une écriture. On ne sera pas terminé, mais on va avancer quand même. Dans Psaume 33, dans son verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Frère, ma soeur, Dieu a fait des choses qu'aucun être ne pouvait faire pour manifester qu'il est celui qui vit par lui-même et celui qui existe par lui-même. C'est le seul architecte, projecteur de tout ce qui a été créé au commencement. Le projet de son cœur subsiste de génération en génération. C'est lui, Elohim, même dans l'éternité, pendant qu'il faisait ce projet, il a conçu que Paul, sera dans l'âge de l'Odyssée. Celui qui a tout fait. Il a tout conçu. Il a créé chaque génération avec ce qui la renferme. Dieu ne t'a jamais vu naître dans l'âge de Luther. Non. Depuis l'éternité, Dieu t'avait vu naître dans l'âge de l'Odyssée. Dieu ne t'a jamais vu naître en Amérique. Autant de frères Branham. Non. Dieu t'a vu naître à Cambodge. C'est Dieu qui a tout conçu. Ce dessin doivent subsister, doivent demeurer pour toujours. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y a un soleil qui s'élève, aussi longtemps qu'il y a un soleil qui se couche, les desseins de Dieu vont subsister. Aussi longtemps qu'il y a une génération qui vient et une autre qui arrive, qui passe, tout ce que Dieu avait déjà conçu dans cette génération-là va se réaliser. Rien ne fera défaut. Frère, Dieu est terrible. C'est pourquoi quand Paul a compris cela, il s'est exclamé. Lisons un peu cela. Il s'est exclamé dans Romains chapitre 11. Quand vous comprenez comment Dieu a conçu ce plan, comment Dieu a conçu le plan pour te sauver, oh frère, vous êtes un homme heureux. C'est vrai, frère. Romains chapitre 11, verset 3, verset 33 à 36. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que tes jugements sont insondables et que ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui pouvait conseiller Dieu? Qui pouvait conseiller Elohim? Il était seul. Là dans sa pensée. L'ange n'existait pas. L'homme n'existait pas. Les animaux n'existaient pas. Qui pouvait le conseiller? Pour qu'il conçoive des plans merveilleux. Pour qu'il conçoive des choses merveilleuses. Frère, dans le monde, sur cette terre, chaque chose marche dans l'ordre. Quand vous regardez le ciel, chaque chose marche dans l'ordre. Regardez le fonctionnement de votre corps. Chaque chose marche dans l'ordre. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il n'y a pas de combat dans le corps humain. Il m'invite dans ma gondwa. Il connaît dans le corps de l'homme. Ni Satan dans le wekamo. Mais le corps de l'homme créé par Dieu. Dans la perfection comme Adam. Comme le premier Adam. Tout marchait dans l'harmonie. Frère. Wende mumabari. Allez dans les mers. Bitu byote biko en ordre. Toutes choses est en ordre. Frère. C'est quelle sagesse. C'est quelle intelligence. Qui pouvait conseiller Dieu à qu'il puisse faire les choses de telle manière que Dieu, les a conçus, les a placés. Dieu est allé dans d'autres planètes. Il a placé chaque chose avec qui marche dans l'harmonie. Il est frère. Bandou. Bintu Mungu yako nafanya. Des choses que Dieu fait. Muntu wa bule. Un homme ordinaire. Hawezi kubielewa. Ne peut pas les comprendre. Ça dépasse l'entendement humain. Il n'a pita kuelewa kwa muntu. C'est vrai frère. Bia kweli ndugu. Que ces jugements sont insondables. Ces jugements sont insondables. Et ces voix incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? C'est vrai. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a bien conseillé? Et lui a dit, « Seigneur, on a compris là-bas, fais comme cela. » Personne. Vous voyez? C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. On n'a pas fini. On va continuer. Bandou. Hakuna kiumbe. Il n'y a aucune créature. Qu'il est en bas, que Dieu, ou tawezi kufananisha na Mungu, que vous pouvez comparer à Dieu. Ça n'existe pas. Ainako. Hakuna kintu. Il n'y a absolument rien. Qu'il est muntu atawezi kufanya. Qu'un homme peut faire. Mungu na ye angalie kwa seme. Et que Dieu puisse regarder Dieu. Mitafanya vile muntu anafanya. Je ferai comme a fait l'homme. Ah, mimi nitafanya vile malaika anafanya. Je ferai comme l'ange a fait. Nous les humains, c'est nous qui copions ce que Dieu a fait. Même pour faire un avion. Nous avons copié les oiseaux. Pour fabriquer les bateaux. Pour fabriquer les sous-marins. Voyez, on a copié les poissons et les animaux. Vous voyez qu'ils vivent dans l'eau. C'est nous qui copions. Et tous ces écrans. C'est pourquoi on appelle ça les découvertes. Toutes choses. Dieu les a déjà créées. Il les a déjà placées. Selon son plan. Chaque chose marche à selon la conception et selon la création. Comme Dieu les a créés. C'est vrai, frère. Dieu n'est pas un homme. Tout ce qu'il a fait. Binatokea. Voyez comment l'écriture dit. C'est de lui. Binatokea ni kwake. Vient de lui. C'est par lui. Ni kwake. Jobile biliumbiwa. C'est au travers de lui que ces choses ont été créées. Et c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Dieu tukufu yake. Tous les plans qu'il a fait. Voyez. Sont venus de lui. Il tokea kwake. Ont été créés par lui. Iliumbiwa na yeye. Et ces choses-là sont créées pour sa gloire. Même nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer par ici. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup parce que ce n'est pas du lait ça. Hein? Ce n'est pas du lait. Si vous n'êtes pas attentif, ou vous attendez de l'église, vous ne comprendrez pas. Mais si vous êtes régulier, et vous êtes attentif, le Saint-Esprit va ouvrir votre intelligence pour comprendre les mystères cachés, mais qui nous sont révélés dans les pages de la Bible. Voyez, quand vous lisez la Bible, quand j'ai cité les 15 points, vous verrez que le pasteur les a tirés d'où? Hein? D'où viennent ces choses? Ces choses viennent de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Priez pour ça, nous allons continuer. Lève-nous pour la prière. Ce sont de bonnes choses. Toutes ces choses, Dieu les a conçues. C'est pour nous et pour la gloire de lui-même. Et nous devons les comprendre. Parce que Mungu alivyanjika na eko na bifununa tushi tubifamu afin que nous le connaissons. Na wakati na bifamu vinaongeza imani ndani yetu et notre confiance en Dieu et na matumaini yetu ndani ya Mungu. Prions. Tuombe. Seigneur, merci.